Allez, petit point rapide sur comment OpenAI améliore ChatGPT pour les sujets un peu sensibles. Alors, l'idée, c'est qu'OpenAI, vous savez, la boîte derrière ChatGPT, eh bien, ils bossent pour que leur IA gère mieux quand on aborde des trucs délicats. Ils font ça avec plus de 170 experts en santé mentale, histoire d'orienter les gens en détresse vers du vrai soutien. Premièrement, ils se concentrent sur trois gros points. Les soucis de santé mentale vraiment sérieux, genre psychose ou manie, mais aussi l'automutilation, le suicide et même la dépendance émotionnelle à l'IA. Et c'est là que les experts interviennent. Grâce à eux, bim, 65 à 80% de réponses problématiques en moins. C'est énorme. Deuxièmement, leur méthode, c'est un truc en cinq étapes. Définir, mesurer, valider, corriger et retester. Bon, mesurer, c'est pas simple parce que, heureusement, ces cas sont rares, hein. On parle de moins de 0,2% des utilisateurs chaque semaine pour ces situations. Du coup, ils utilisent des tests bien ciblés sur des scénarios précis pour évaluer l'IA. Finalement, leur tout nouveau modèle, GPT-5, il en narre pas mal du tout. Les experts disent qu'il réduit les réponses bof de 39 à 52% par rapport à GPT-4o. En gros, il est entraîné pour être empathique, pour pas valider des idées un peu hors sol liées à la détresse, et surtout pour pousser vers de vraies relations humaines et des aides pro, comme le numéro d'urgence 988 aux États-Unis. Et ça continue, c'est pas fini. Bref, OpenAI met le paquet avec des experts et un entraînement pointu pour que ChatGPT soit plus sûr quand ça devient sérieux.